Le réveillon du nouvel an, 12 mois du pays du soleil, a eu lieu au palais des enfants de Mangyongdae à Pyongyang le 31 décembre de l'an 105 du Juche 2016. Y ont assisté Kim Yong-nam, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée et président du présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, autre cadre responsable du parti, de l'État et de l'armée, le président du comité central du Parti social-démocrate de Corée, les fonctionnaires des organismes du parti, des forces armées, du cabinet, des organisations des travailleurs, des ministères et des établissements centraux, les participants à la 4e conférence des pêcheurs exemplaires de l'armée populaire de Corée, les fonctionnaires et les méritants de l'armée et de la société qui ont été exemplaires dans la campagne de 200 jours, les représentants diplomatiques et des institutions internationales et leurs femmes, les attachés militaires et leurs femmes en Corée, le représentant de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste, les compatriotes coréens d'outre-mer en séjour dans la patrie socialiste et les hôtes étrangers.